Un jour tomberont les masques, les voiles et les casques. Alors Babylone en péril sera contrainte face aux piles à brûler champs et villes ou finir en plan stérile. La vie est là, la vie est là, et ce sont là, la vie est là, ces aléas. La vie est là, la vie est là, et ce sont là, la vie est là, ces aléas. Alors que restera-t-il des instants fragiles, ces instants fugaces qui ne laissent pas plus de traces que le trait que la gomme efface à mesure que le temps passe. La vie est là, la vie est là, ce sont là ces aléas. La vie est-elle futile, même quand elle n'est pas facile, mais qu'elle est tenace, que sous ses oripeaux la grâce fait oublier la crasse qui nous voile la face. La vie est là, la vie est là, mais ce sont là, la vie est là, ces aléas. La vie est là. We'll be right back.